Before you came around, I was doing just fine. Bienvenue sur l'Instant Groove. C'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui, j'accueille Tom Bakers. Bonjour Tom, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et je suis toujours accompagné de Lucie, ma co-animatrice. Comment tu vas Lucie? Ça va très bien, merci. Je suis contente de vous retrouver tous les deux aujourd'hui. Que vas-tu nous proposer aujourd'hui, Tom? Un set estival qui sent le soleil, le house, les synthés, comme tu as dit. Eh bien, chers auditeurs, partons maintenant avec nos maracas sous les bras pour aller sur une plage avec Tom. Et pourtant, je ne m'y vois pas comme un médicament. Moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. I've got a fever. On commence tout de suite, chers auditeurs, avec un mix de Tom, en fait. C'est un mix de Dua Lipa et de Angèle, si j'ai bien entendu. C'est ça. J'ai une petite question pour toi, Paul. Pourquoi et comment as-tu commencé à jouer à la musique, de la musique? Et depuis quand, à peu près? Pardon. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique en 2013, quand j'étais au lycée. D'accord. C'est un pote qui avait une version tout à fait légale. Fait le studio et du coup il m'a montré et bah, j'ai trouvé ça extraordinaire de faire de la musique avec juste un ordinateur qui coûte trois fois rien et générer des sons comme ça. Du coup bah, je me suis pris d'affection et je pensais pas que 11 ans après je serais toujours là à essayer à faire de la musique et à mixer des choses, donc c'est incroyable. Ouais. Exceptionnel. Et tu es maintenant encore sur FL Studio? Non, là j'ai switché sur Ableton. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec Ableton et que du coup, pour collaborer, c'est plus simple d'avoir le même logiciel. Ok. Donc, c'est pour ça. Et c'est quoi tes influences musicales majeures? Je vais te faire une liste exhaustive. c'est un peu dur, mais je dirais Daft Punk, très original. Et Daft Punk, ouais, en premier, Keitranada, j'adore, Disclosure, le label Roche Music aussi, de Cartel, Darius... Mais j'en ai énormément. Mais je comprends. Ça finirait pas. Parce que la musique est exponentielle de toute façon. C'est ça. Daft Punk, oui, je voulais rebondir sur ça. On a été élevé un peu à Daft Punk, même moi, tu vois. C'est le fleuron un peu de la France. Daft Punk, c'est un peu le phare de tous les DJ, enfin, je pense. Et on va passer par la suite. Ouais, bien sûr. Et ben c'est parti. Qu'est-ce que tu vas nous proposer là? Là, je vous propose des rythmes du coup très house, chill, avec un tempo assez lent au début, puis qui accélère sur des rythmes plus tech house, deep house. Trop bien. Et c'est une créa de toi aussi ? Le set, ouais, c'est un set que j'ai joué à l'Octroi il y a quelques semaines. Ok, trop bien. Et c'est super bien passé. Et ben, c'est parti. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove et on n'est pas avec Paul mais bien Tom Bakers. Lucie a des petites questions à te poser, je pense, Tom. Exactement, pour les auditeurs qui ne nous voient pas, est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu mixes, quel est ton matériel ? Alors là, actuellement, c'est des Traktor Control S2 de chez Native Instruments. C'est des platines d'entrée de gamme, mais elles font vraiment le travail, quoi. Voilà. Super. Oh bah super. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de mix de DJ set ? D'un peu DJ set. Ouais. Alors moi, j'ai un peu une malédiction avec la météo quand je mixe. L'année dernière, j'ai fait une fête de la musique à la Méchelle et c'était l'apocalypse. Et là, il y a quelques semaines à l'Oc 3, c'était encore l'apocalypse, mais x2. C'était terrible. J'ai vraiment un problème avec la météo à chaque fois. Lors d'événements assez importants. Ça, c'est le problème quand on passe de la musique ensoleillée. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Parce que voilà. Le temps n'est pas en ma faveur. Ça changera. Tu t'appelles Tom Bakers. Ouais. J'ai une petite question. Pourquoi ce pseudo ? J'adore cette question. Bah alors, Tom, parce que je m'appelle Thomas. Et Bakers, parce que c'est le nom de famille de jeune fille de ma mère, boulanger. Donc, Tom Bakers, je trouvais ça plutôt stylé. Et ça s'arrête à là. C'est génial. Non, voilà. C'est très stylé, bien. C'est vrai. Ah oui, si tu avais un artiste avec qui tu aimerais collaborer. Oh, c'est compliqué. L'artiste. Moi, j'aimerais bien travailler avec, je dirais, Jordan Smith, une chanteuse un peu soul, R&B que j'aime bien. Alors, j'ai son numéro, je te l'appelle tout de suite. Ok, super. Voilà, les choses se passent bien ici. Et, mais après, il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais bien collaborer. Mais ouais, je dirais Jordan Smith. Ok, comme ça. Sur une scène, toi, Jordan Smith, maintenant, là, où ce serait ? Coachella ? Ah oui ? Le mec. Sans prétention. Hein. On va prendre les plus gros trucs, quoi. Okay, bah, t'as bien raison, hein. c'est la question idéale, alors vas-y, donne tout. Il faut se mettre des objectifs de façon assez haut, hein, comme voilà. Ça, on y va. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pour la suite ? Là, je vais vous proposer toujours un son bien house avec un peu plus rapide. Ok. Et ça va partir. Dans 3, 2, 1, Tom Bakers. Je voulais pas couper sur ce magnifique drop. C'était une musique de Tom Bakers, j'ai l'impression. C'est ça. C'est une voix qui est incroyable, je trouve. Et, ça donne envie de secouer des petites maracas encore. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. C'est vraiment de la musique que j'apprécie énormément. Eh ben, merci. On s'est bien trouvé. Je crois bien, oui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu gères ton stress avant de jouer ? Le stress, bah en fait souvent j'ai un côté un peu dissociatif quand je fais un set, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis sur scène, c'est Tom Bakers. Okay. C'est un côté un peu, c'est ma musique et c'est pas moi, Thomas, dans la vie de tous les jours. Donc au contraire, c'est même là où je me sens un peu plus libre, un peu plus, je peux m'exprimer pleinement, ça me sort un peu de mon quotidien. Incroyable. Tu as dit que ça faisait 10 ans que tu produisais. Ouais. Est-ce que maintenant tu es dans un label ou deux labels, trois labels? Je suis dans trois labels actuellement. C'est excellent, c'est incroyable. Je suis chez Crosswalk, je sais pas si on peut dire les noms. Bien sûr. Là, j'ai un morceau single sorti chez Crosswalk Records. Ok. Qui ont bossé avec Kungs, Lost Frequencies, Offenbach. Incroyable. J'ai un autre morceau sorti avec un label italien qui s'appelle La Valigetta. Ok. Et j'ai un troisième qui s'appelle Union Entertainment, mais là c'est plus du tout de la house, c'est de la musique ambiante électronique, okay. Un peu à la Aphex Twin, Board of Canada, pour ceux qui connaissent. Génial. Et ça c'est plus c'est un label hollandais. Donc voilà. Trop bien. Voyage beaucoup à travers tes labels. C'est ça. Là pour l'instant je reste pas mal en Europe, mais j'aimerais bien voir d'autres labels un peu plus loin. Et comment ça t'est arrivé de démarcher des labels? Comment on vient se dire c'est bon, là j'y vais, quoi, je peux le faire? Le processus, tu veux dire, ou comment, la manière de démarcher? Les deux. Bah, le processus, alors là du coup ça va être, je vais faire peut-être un peu de pub, j'utilise une plateforme payante qui est pas mal, qui s'appelle Groover, en fait, c'est-à-dire que tu payes 2€ par demande et en fait tu as une obligation de réponse. Le label est obligé de te répondre, que ce soit négatif ou positif, parce c'est que génial. La plupart du temps, t'envoies un email dans le vide et personne ne te répond. Du coup, c'est assez triste. Et du coup, là, t'as vraiment le fait d'avoir une réponse, c'est déjà énorme, tu vois. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu avoir des opportunités de signer des contrats avec des labels. Incroyable, trop bien. La première signature, elle a dû être incroyable pour toi. Ah, c'était exceptionnel. Moi, je suis très très content de ça. C'était vraiment, c'était la fête assurée ce jour-là. Félicitations à toi. Qu'est-ce que tu vas nous proposer là par la suite? Là, je vais vous proposer un autre morceau, One More Time, qui est sorti l'année dernière, en décembre, pour faire la fête à Noël. Parce qu'on peut faire aussi la fête avec de la neige, pas que du sable. Ah, très bien. Et du coup, je vous passe ça maintenant. Et c'est un son que tu as produit encore. Ouais. Allez, c'est parti. Tom Baker sur Radio Fadjet. Dans l'instant groove. Messieurs, dames, vous êtes toujours sur l'Instant Groove, sur Radio Fadjet avec Tom Baker. Et c'était encore une de tes productions qu'on avait. C'était quoi le nom là? C'était One More Time. Et One More Time est juste après là qu'on entend derrière. Et là c'est Here For You. Here For You. Ouais. Lucie. On a une question difficile pour toi. Oui. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelle est la musique que tu produis, qu'on écoute aujourd'hui et qui est pour toi la... Pas la meilleure parce qu'on va créer des tensions, mais voilà, sur laquelle tu es le plus fier ou sur laquelle elle t'a ému ou tu as quelque chose à nous dire particulièrement dessus? Celle qui passe là, Here For You, elle est assez complète. Il y a plusieurs émotions. À la fin, vous verrez, le drop, il est un peu plus vénère. Du coup, elle est plus complète que certaines musiques où il n'y a vraiment qu'une sorte d'ambiance. Elle est multi-émotionnelle. Je sais pas si c'est le terme. Mais ouais, je suis fier de cette musique-là. Je pense. Je la mets souvent en œuvre. Oui, elle est incroyable. Oui, je ressens un peu plusieurs émotions, effectivement. J'ai une petite question que j'adore particulièrement parce que je suis un grand fan de nourriture et de boissons. Avec quoi se marierait le mieux ton set d'aujourd'hui, Tom? Moi, je dirais un petit apéro dînatoire d'été avec des biscottes, de la tapenade d'olive. Ou ce genre de des tomates sèches, ce genre de choses un peu... c'est pas vraiment un repas, mais tu vois, pas vraiment un plat. Mais plus, c'est un accompagnement de plein d'apéritifs avec un petit verre, un petit rosé. Un petit rosé. Je vois bien ça, ouais. Ah oui, ça me donne envie, là. Et ça donne envie de partager avec toi, Tom. Qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite, pardon? Là, je vais passer à un autre artiste un peu connu qui s'appelle Fischer. D'accord. Et c'est un remix de Bob Marley. Ah. De jamming. Ok, intéressant. Eh ben, chers auditeurs, c'est parti pour jamming. We're down. I've lost friends. Try to fix some conceit. Don't let it happen. But you never move on. You try. I don't believe it, baby. I know you lied. Chers auditeurs, on était toujours sur l'instant groove. On était en train de débattre si c'était Beyoncé ou Shakira qu'on attendait, mais Tom m'a précisé que c'était bien Beyoncé à peu près. Hein. C'est ça, carrément. Quand on produit ou quand on mixe, on écoute forcément beaucoup de musique. Est-ce que toi, il y a un moment où tu es particulièrement attentif à certaines musiques, ou est-ce qu'il y a un moment dans ta journée où tu aimes écouter la musique? Bah, généralement, les vendredis sur Spotify, il y a les sorties d'albums. Et les artistes que je suis de très près, je me pose et j'écoute pendant une heure tout leur album. Ok. Et tu produis de la musique, mais ton lieu un peu fétiche là où tu aimes produire ou où tu aimerais produire, par exemple, est-ce que c'est quand tu pars en vacances, là tu te dis ouais, j'aime faire une session, là j'ai pris un petit appart en bord de plage, ça me donne trop envie là. Ah, je produis souvent dans ma chambre, en général, c'est là où je produis tout, toute ma musique. D'accord. Je suis pas trop à me déplacer dans un studio. J'ai jamais fait une seule musique dans un studio vraiment professionnel, tu sais. Mais pourquoi pas, après, ça peut les être... Les résidences artistiques, par exemple, ça pourrait être Ouais, ça pourrait être sympa. Jamais fait de résidence, effectivement. Ça pourrait être sympa. Je suis sûr que la prochaine fois que tu reviendras dans l'émission, tu auras fait une résidence. Allez, le sens. C'est l'objectif. Objectif résidence. Quel est ton petit plaisir coupable en musique ? Moi, j'assume tout ce que j'écoute. J'ai pas de. Non, en vrai, je pense pas que j'ai de mal à dire que j'écoute de. Je sais pas, Ariana Grande, vraiment les grandes têtes. Billie Eilish, j'aime bien. Mais est-ce que c'est un coupable de d'écouter ça ? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Donc, non, j'ai pas. J'assume tout ce que j'écoute, ouais, je pense. Qu'est-ce que tu nous proposes là, juste après, du coup ? Là, il y a. C'est. Encore un autre morceau de moi que je vais vous mettre tout de suite. Il s'appelle New Vibe, qui fait partie d'un EP qui est sorti en décembre avec le One More Time que j'ai passé tout à l'heure. Très bien. Et est-ce qu'il y a un EP qui sortira bientôt là ? Là, il y a un EP qui devrait sortir avec le label italien, la Valigetta, avec qui j'ai signé un contrat pour sortir un EP qui devrait sortir en août, fin août. À la fin de l'été pour perdurer tout ça, quoi. Pour que la fête continue, c'est toute l'année, en fait. Eh ben, allons-y pour ce Tom Bakers. Vous êtes toujours sur Radio Jet, l'instant gros. lived is my memory. It's the only thing you can see. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, biddy, bang, bang, stick up. Bang, biddy, bang, bang, bang, killer. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Tom Bakers et Lucie, bien sûr, ma co-animatrice. C'était une de tes productions là, qu'on entend encore derrière. Là, là actuellement, non, c'est Fisher. Fisher, ouais. Ok, je connais pas du tout. C'est un artiste, quelle nationalité? Australien, qui fait beaucoup de tech house et qui est assez connu. Je crois qu'il a beaucoup, beaucoup d'auditeurs sur Spotify. Tu l'as déjà vu en concert? Non, mais j'aimerais bien. J'avoue que j'aimerais bien le voir un jour. Tiens, une petite question annexe. Qui t'a vu en concert dernièrement? Quelqu'un qui te fait fly un peu? Alors, dernièrement, c'était aux Eurokéennes. L'année dernière, c'était Skrillex. J'aime beaucoup Skrillex. Alors, c'est très différent de ce que moi, je produis. Mm-hmm. Mais je trouve que les productions de Skrillex sont assez exceptionnelles et singulières. Tu trouves pas ça ailleurs? Exactement, oui. C'était sous la boue? C'était sous la boue, il commençait à pleuvoir à la fin. juste à la fin, on a eu de la chance, on aurait pu avoir pire. Mais c'était extraordinaire, l'ambiance est folle et c'est vraiment un artiste qui a l'air très très sympathique au demeurant. Du coup, ouais. Pourquoi pas travailler avec lui un jour? Ça arrivera peut-être. L'appel est lancé. Allez. Est-ce que tu as des personnes qui te suivent depuis le début, des amis à toi, des fans ou des personnes qui t'écrivent vu que tu produis pour te dire. Ma famille, mes parents, ils m'ont toujours beaucoup soutenu. Ça, j'ai énormément de chance là-dessus parce que ça dépend beaucoup de personnes. Les gens disent non, c'est pas sérieux parce que j'ai fait ça au lycée. J'ai commencé au lycée, je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment m'y mettre, mais la musique, ça fait stresser les parents. Mais du coup, j'ai eu de la chance là-dessus, ils m'ont toujours soutenu. Et sinon, sur SoundCloud, j'ai des fans qui m'écrivent souvent, qui me disent qu'ils aiment bien mes dernières productions. J'en ai une qui vient du Québec, qui s'appelle Bianca. Et elle me suit depuis, depuis la fin du lycée, hein, quasiment. Incroyable. 10 ans, et elle est toujours là à écouter. Puis j'ai des très bons potes qui m'écoutent. Et aussi, j'ai une histoire un peu triste, mais enfin, pas vraiment du coup. C'est une personne qui était très mal, qui avait fait une tentative de suicide. Ah oui. Oh, l'ambiance. Et du coup, en fait, elle m'a dit que sa musique, enfin ma musique, l'a aidé à surmonter un peu une période difficile. Et du coup, je crois que c'est un des compliments qui m'a le plus, premier degré, touché. Ça m'a aussi touché maintenant parce que j'ai des frissons et c'est pas une chose difficile à dire. Et je pense qu'il faut en parler, tu vois, de ces choses-là. Et c'est très beau, c'est magnifique, c'est pas une triste histoire, c'est magnifique. Oui, voilà, c'est triste au début, mais je me dis, enfin, pour moi, c'est là où la musique a vraiment du sens, c'est essayer de soutenir. En fait, quand j'écoute une musique, je me dis, ah, l'artiste comprend mieux les sentiments que j'ai actuellement qu'avec des mots. Enfin, la musique exprime des choses extraordinaires et c'est un peu le style de message qu'elle m'avait écrit, ce genre de choses. La musique peut soigner, je pense. C'est ça. Mmh. Et moi, ça m'avait vraiment énormément touché. C'est extraordinaire. C'est très très beau. Est-ce que tu as un mot pour tes fans ou les personnes qui te suivent que tu aimerais partager aujourd'hui avec nous? Continue de rêver, de faire la fête et d'apprécier les choses simples. Ouais, des petites tapenades d'olive sous le soleil avec une bonne musique. Ouais, je dirais simplicité et légèreté. Magnifique. Justement, l'émission, on la termine tout le temps sur un petit mantra. Est-ce que tu as un mantra du moment ou un mantra dans ta vie qui a fait du bien? Là, tu nous as parlé déjà un peu de ton mantra là actuel. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a un qui te parle un peu plus? Sinon, on reste sur celui-là. Hein. Légère simplicité, légèreté, c'était bien. Tapenade d'olive. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est un peu mon mantra. Je dirais essayer de, ouais, d'être de pas trop être sérieux. Enfin, quand je dis sérieux, c'est trop se prendre la tête avec des choses. Enfin, la vie passe vite, du coup vaut mieux kiffer et prendre le temps. Je dirais ça comme mantra. C'est pas mal, prendre le temps. Et sur quelle plateforme on peut justement acheter peut-être tes musiques? Parce que clairement, est-ce que là on peut acheter tes musiques Ouais. Sur Amazon, vous pouvez les acheter. Sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, vous pouvez retrouver ma musique. En streaming, nickel. En streaming. Sur SoundCloud. Sur SoundCloud, en plus, vous pouvez écouter des musiques qui ne sont pas encore officiellement sorties avec des labels en avant-première. En exclu. En exclusivité. J'en ai diffusé pas mal, là, d'ailleurs, qui ne sont pas sur les grosses plateformes. Trop bien. Et sinon. Ouais, sinon, c'est tout. C'est votre plateforme préférée aura sans doute ma musique en rayon, du coup il n'y a pas de problème là-dessus. Et ben, est-ce que tu peux dire le mot de la fin, Lucie? Bien, c'était un plaisir de découvrir ton travail, ce que tu fais, c'était très très chouette. Pour moi aussi, c'était super, j'ai beaucoup bien apprécié. Merci Tom d'avoir accepté l'invitation, j'ai passé une super émission avec toi, c'était un moment génial. Chers auditeurs, je vous laisse encore une bonne huitième de minute avec Tom et ses musiques, ou pas, parce qu'il y a, hélas, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour finir? Là, on est sur un remix de Sam Smith par Disclosure, un groupe qui m'a beaucoup forgé dans ce que je fais actuellement. Génial. Donc c'est parti. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove et c'est la fin avec Tom Bakers. La fin d'une grande aventure surtout.